Père Goriot, d'Honoré de Balzac. Feuilleton en 10 épisodes. Adaptation et réalisation, Cédric Ossir. Deuxième épisode. Paris, novembre 1819. Tandis que l'étudiant en droit Eugène de Rastignac fait ses premiers pas dans le monde sous la protection de sa cousine, la vicomtesse de Beauséant, son voisin de palier, le miséreux père Goriot, suscite la curiosité des pensionnaires de la maison Vauquer en recevant régulièrement la visite de deux belles et riches jeunes femmes. Quelques jours plus tard, Eugène, après être allé au bal de Madame de Beauséant, rentra vers 2 heures dans la nuit. Afin de regagner le temps perdu, le courageux étudiant s'était promis, en dansant, de travailler jusqu'au matin. Eugène se déshabilla, prit une méchante redingote, alluma son feu de motte et se prépara lestement au travail. Il resta pensif pendant quelques moments avant de se plonger dans ses livres de droit. Il venait de reconnaître en Madame la vicomtesse de Beauséant l'une des reines de la mode à Paris, et dont la maison passait pour être la plus agréable du faubourg Saint-Germain. Grâce à sa tante de Marcillac, le pauvre étudiant avait été bien reçu dans cette maison sans connaître l'étendue de cette faveur. Être admis dans ces salons dorés équivalait à un brevet de haute noblesse. Ébloui par cette brillante assemblée, ayant à peine échangé quelques paroles avec la vicomtesse, Eugène s'était contenté de distinguer, parmi la foule des déités parisiennes qui se pressaient dans ce raout, une de ces femmes que doit adorer tout d'abord un jeune homme, la comtesse Anastasie de Restaud, grande et bien faite, passait pour avoir l'une des plus jolies tailles de Paris. Pour Rastignac, Madame Anastasie de Restaud fut la femme désirable. Il avait pu lui parler pendant la première contredanse. Vous rencontrez désormais, madame ? Lui avait-il dit, avec cette force de passion qui plaît tant aux femmes. Mais au bois, aux Italiens, chez moi. Partout ? L'aventureux méridional avait eu aussi le bonheur de rencontrer au milieu des illustres impertinents de l'époque le marquis de Montriveau, l'amant de la duchesse de Langeais, qui lui apprit que la comtesse de Restaud demeurait rue du Helder. Être jeune, avoir soif du monde, avoir faim d'une femme et voir s'ouvrir pour soi deux maisons. Mettre le pied au faubourg Saint-Germain chez la vicomtesse de Beauséant, le genou dans la chaussée d'Antin chez la comtesse de Restaud. Avec ses pensées et devant cette femme qui se dressait sublime auprès d'un feu de motte entre le code civil et la misère, qui n'aurait, comme Eugène, sondé l'avenir par une méditation, qui ne l'aurait meublé de succès? Sa pensée vagabonde escomptait si drûment ses joies futures qu'il se croyait auprès de Madame de Restaud quand un soupir troubla le silence de la nuit et retentit au cœur du jeune homme de manière à le lui faire prendre pour le râle d'un moribond. Il ouvrit doucement la porte et quand il fut dans le corridor, il aperçut une ligne de lumière tracée au bas de la porte du père Goriot. Eugène craignit que son voisin ne se trouvât indisposé. Il approcha son œil de la serrure, regarda dans la chambre et vit le vieillard occupé de travaux qui lui parurent trop criminels pour qu'il ne crût pas rendre service à la société en examinant bien ce que machinait nuitamment le soi-disant vermicellier. Le père Goriot, qui avait attaché sur la barre d'une table renversée un plat et une soupière en vermeil, tournait une espèce de câble autour de ces objets richement sculptés en les serrant avec une si grande force qu'il les tordait vraisemblablement pour les convertir en lingots. « Peste, quel homme !» se dit Rastignac en voyant le bras nerveux du vieillard qui, à l'aide de cette corde, pétrissait sans bruit l'argent doré comme une pâte. « Mais serait-ce donc un voleur ? » ou un receleur qui, pour se livrer plus sûrement à son commerce, affecterait la bêtise, l'impuissance et vivrait en mendiant. Le père Goriot regarda tristement son ouvrage, des larmes sortirent de ses yeux, et Eugène l'entendit se coucher en poussant un soupir. Rastignac jugea prudent de garder le silence sur cet événement et de ne pas inconsidérément condamner son voisin. Il allait rentrer quand il distingua soudain un bruit assez difficile à exprimer et qui devait être produit par des hommes montant l'escalier. Eugène prêta l'oreille et reconnut en effet le son alternatif de la respiration de deux hommes. Il vit tout à coup une faible lueur au second étage chez Monsieur Vautrin. Voilà bien des mystères dans une pension bourgeoise. Rastignac descendit quelques marches, se mit à écouter, et le son de l'or frappa son oreille. C'est moi qui rentre dans le poker. Bientôt la lumière fut éteinte, les deux respirations se firent entendre de rechef sans que la porte eût crié. Il faut veiller pour bien savoir ce qui se passe autour de soi. Le lendemain matin, régnait à Paris un de ces épais brouillards qui l'enveloppent et l'embrument si bien que les gens les plus exacts sont trompés par le temps. Il était 9h30, Madame Vauquer n'avait pas encore bougé de son lit. Christophe et la grosse Sylvie prenaient tranquillement leur café. Sylvie, Monsieur Vautrin a encore vu deux personnes cette nuit. Si madame s'en inquiétait, ne faudrait rien lui dire. Vous a-t-il donné quelque chose? Il m'a donné 100 sous pour son mois. Une manière de me dire, tais-toi. Sauf lui et madame Couture. Les autres voudraient nous retirer de la main gauche, ce qui nous donne de la main droite au jour de l'an. Encore, qu'est-ce qu'il donne? Qui est baraque? Bah, nos places sont encore les meilleures du quartier. On y vit bien. Mais à propos de gros papa Vautrin, Christophe, vous attendiez quelque chose? Bah oui, j'ai rencontré il y a quelques jours un monsieur dans la rue qui m'a dit « N'est-ce pas chez vous que demeure un gros monsieur qui a des favoris qu'il teint ?» Moi j'ai dit « Non monsieur, il les teint pas. Un homme gay comme lui, il n'en a pas le temps. » Eh bien, à moi, au marché, on a voulu m'englauder aussi pour me faire dire si je lui voyais passer sa chemise. Cette farce. Tiens, voilà 10h15 moi qui sonne au Val-de-Grâce et personne ne bouge. Ah bah ils sont tous partis. Le père Goriot est sorti avec un paquet qu'il m'a donné un coup avec ce qu'il portait qui était dur comme du fer. Qu'est-ce qu'il fait donc ce bonhomme-là? Les autres le font aller comme une toupie. Mais c'est un brave homme tout de même. Il ne donne pas grand-chose, mais les dames chez lesquelles il m'envoie, quelquefois, allongent de fameux pourboires. Celles qu'il appelle ses filles, hein? Elles sont une douzaine. Je suis jamais allé que chez deux, les mêmes qui sont venus ici. Voilà madame qui se remue, faut que j'y aille. Sylvie! Oh, voilà 10h40, vous m'avez laissé dormir comme une marmotte. Jamais pareille chose n'est arrivée. C'est le brouillard qui a coupé au couteau. Mais le déjeuner? Vos pensionnaires avaient bien le diable au corps et ils ont tous décanillé. La michonnette et le poireau n'ont pas bougé, il n'y a que qui soit dans la maison. Et ils dorment comme des souches qui sont. Les deux font la paire. C'est singulier, Sylvie. Comment Monsieur Vautrin est-il donc rentré cette nuit après que Christophe ait mis les verrous? Bien au contraire, madame. Il a entendu Monsieur Vautrin et est descendu pour lui ouvrir la porte. Et voilà ce que vous avez cru que... Donne-moi ma camisole et va vite voir au déjeuner. Arrange le reste du mouton avec des pommes de terre. Et donne des poires cuites, de celles qui coûtent 2 liens la pièce. Quelques instants après, Madame Vauquer descendit dans la salle à manger. J'ai trop dormi. Et aussi, madame, est-elle fraîche comme une rose? Bonjour Madame Vauquer. Allons, finissez donc. Tenez, je vais mettre le couvert avec vous. Ah, je suis gentil, n'est-ce pas? Courtiser la brunée, la blonde. Hé, hey, je viens de voir quelque chose de singulier. Quoi? Le père Goriot était à 8h30 rue Dauphine, chez l'orfèvre qui achète de vieux couverts et des galons. Il lui a vendu pour une bonne somme un ustensile de ménage en vermeil, assez joliment tortillé pour un homme qui n'est pas de la manique. Vraiment? Oui. Il a remonté dans ce quartier-ci, rue des Grès, où il est entré dans la maison d'un usurier connu, nommé Gobsec. Un fier drôle, capable de faire des dominos avec les os de son père. Il met ses écus à la banque. Qu'est-ce que fait donc ce père Goriot? Il ne fait rien, il défait. C'est un imbécile assez bête pour se ruiner à aimer les filles. Voilà. Christophe, monte avec moi. Christophe suivit le père Goriot et redescendit bientôt. Où vas-tu? Faire une commission pour monsieur Goriot. Qu'est-ce que c'est que ça? À madame la comtesse Anastasie de Resto. Et tu vas? Rue du Helder. J'ai ordre de ne remettre ceci qu'à madame la comtesse. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un billet de banque? Non? Un billet à quitter? Four, il est galant le Roquentin. Va, vieux Lascar, t'auras un bon pourboire. Le couvert était mis. Sylvie faisait bouillir le lait, madame Vauquer allumait le poêle, aidée par Vautrin, qui fredonnait toujours. Et l'on m'a vu de tout de part. Quand tout fut prêt, madame Couture et mademoiselle Taillefer rentrèrent. D'où venez-vous donc si matin, ma belle dame? Nous venons de faire nos dévotions à Saint-Étienne-du-Mont. Ne devons-nous pas aller aujourd'hui chez M. Taillefer? Pauvre petite, elle tremble comme la feuille. Chauffez-vous donc, Victorine! C'est bien, mademoiselle, de prier le bon Dieu d'attendrir le cœur de votre père. Mais ça ne suffit pas. Il vous faudra un ami qui se chargea de dire son fait à ce marsouin-là. Qui a, dit-on, 3 millions et qui ne vous donne pas de dot. Pauvre enfant! D'ici à quelques jours, je me mêlerai de vos affaires et tout ira bien. Oh, monsieur, si vous saviez un moyen d'arriver à mon père. Si vous obteniez quelque adoucissement à sa rigueur, je prierai Dieu pour vous. Soyez sûr d'une reconnaissance. En ce moment, Goriot, mademoiselle Michonneau, Poiret descendirent, attirés peut-être par l'odeur du roux que faisait Sylvie pour accommoder les restes du mouton. À l'instant où les 7 convives s'attablèrent en se souhaitant le bonjour, l'on entendit dans la rue le pas de l'étudiant. Ah, bien, monsieur Eugène. Aujourd'hui, vous allez déjeuner avec tout le monde. Pardon. Mais je vous en prie. Merci de l'eau. Il vient de m'arriver une aventure singulière. Une aventure? Eh bien, Poiret, pourquoi vous en étonneriez-vous, vieux chapeau? Mais dites-nous votre aventure. Oui. Hier, j'étais au bal chez madame la vicomtesse de Beauséant, une cousine à moi, qui possède une maison magnifique, des appartements habillés de soie. Enfin, qui nous a donné une fête superbe où je me suis amusé comme un roi. Tenez. Monsieur, que voulez-vous dire? Je dis tenez. Parce que les rois de lait s'amusent beaucoup plus que les rois. Ah, oui, c'est vrai. J'aimerais mieux être ce petit oiseau sans souci que roi. Parce que... Enfin, je danse avec l'une des plus belles femmes du bal. Une comtesse ravissante. La plus délicieuse créature que j'ai jamais vue. Elle était coiffée avec des fleurs de pêcher. Bon, il faudrait que vous l'eussiez vue. Il est impossible de peindre une femme animée par la danse. Eh bien, ce matin... J'ai rencontré cette divine comtesse sur les 9h, rue des Grès, à pied. Le cœur m'a battu, je me figurais... Qu'elle venait ici. Elle allait sans doute chez le papa Gobsec, un usurier. Si jamais vous fouillez des cœurs de femmes à Paris, vous y trouverez l'usurier avant l'amant. Votre comtesse se nomme Anastasie de Resto et demeure rue du Helder. À ce nom, l'étudiant regarda fixement Vautrin. Le père Goriot leva brusquement la tête. Il jeta sur les deux interlocuteurs un regard lumineux et plein d'inquiétude qui surprit les pensionnaires. Christophe arrivera trop tard. Elle y sera donc allée? J'ai deviné. Qui diable monsieur Vautrin a pu vous dire son nom? Aha! Le père Goriot le savait bien, lui. Pourquoi ne le saurais-je pas? Monsieur Goriot? Elle était donc bien belle hier. Madame de Resto. Voyez-vous le vieux Grigou, comme ses yeux s'allument. Il l'entretiendrait donc. Oui, elle était furieusement belle. Les jeunes gens n'avaient Dieu que pour elle. Les autres femmes enrageaient. Si une créature a été heureuse hier, c'était bien elle. Hier en haut de la roue, chez une duchesse. Ce matin en bas de l'échelle, chez un escompteur. Ah, voilà les parisiennes. Si leurs maris ne peuvent entretenir leur luxe effréné, elles se vendent. Si elles ne savent pas se vendre, elles éventreraient leur mère pour y chercher de quoi briller. Connue, connue. Eh bien, où donc est votre aventure? Lui avez-vous parlé? Lui avez-vous demandé si elle voulait apprendre le droit? Elle ne m'a pas vu. Mais rencontrer une des plus jolies femmes de Paris, rue des Grès, à 9h, une femme qui aurait dû rentrer du bal à 2h du matin, n'est-ce pas singulier? Il n'y a que Paris pour ces aventures-là. Bah, il y en a de bien plus drôles. Victorine Taillefer avait à peine écouté tant elle était préoccupée par la tentative qu'elle allait faire. Madame Couture lui fit signe de se lever pour aller s'habiller. Quand les deux dames sortirent, le père Goriot les imita. Eh bien, l'avez-vous vu? Il est clair qu'il s'est ruiné pour ces femmes-là. Jamais on me fera croire que la belle comtesse de Resto appartient au père Goriot. Vous êtes encore trop jeune pour bien connaître Paris. Vous saurez plus tard qu'il s'y rencontre ce que nous nommons des hommes à passion. Eh bien, ces gens-là chaussent une idée et n'en démordent pas. Ils n'ont soif que d'une certaine eau prise à une certaine fontaine, et souvent croupie. Pour en boire, ils vendraient leurs femmes, leurs enfants, ils vendraient leur âme au diable. Pour les uns, cette fontaine est le jeu, la bourse, une collection de tableaux ou d'insectes, la musique. Pour d'autres, c'est une femme qui sait leur cuisiner des friandises. À cela, vous leur offririez toutes les femmes de la terre, ils s'en moquent. Ils ne veulent que celle qui satisfait leur passion. Le père Goriot est un de ces gens-là. Hors de sa passion, vous le voyez, c'est une bête brute. Il a porté ce matin du vermeil à la fonte, et je l'ai vu entrant chez le papa Gobseck, rue des Grès. En revenant, il a envoyé chez la comtesse de Resto ce niais de Christophe qui nous a montré l'adresse de la lettre dans laquelle était un billet à quitter. Il est clair que si la comtesse allait aussi chez le vieil escompteur, il y avait urgence. Le père Goriot a galamment financé pour elle. Il ne faut pas coudre deux idées pour voir clair là-dedans. Cela vous prouve, mon jeune étudiant, que pendant que votre comtesse riait, dansait, faisait ses singeries, balançait ses fleurs de pêcher et pinçait sa robe, elle était dans ses petits souliers, comme on dit, en pensant à ses lettres de change protestées ou à celles de son amant. Vous me donnez une furieuse envie de savoir la vérité. J'irai demain chez Madame de Resto. Vous y trouverez peut-être le bonhomme Goriot qui viendra toucher le montant de ses galanteries. Mais votre pari est donc un bourbier. Et un drôle de bourbier. Ceux qui s'y crottent en voiture sont d'honnêtes gens. Ceux qui s'y crottent à pied sont des fripons. Comment? Le père Goriot aurait fondu son déjeuner de vermeil? Et n'y avait-il pas deux tourterelles sur le couvercle? C'est bien cela. Il a pleuré quand il a eu pétri l'écuelle et le plat. Je l'ai vu par hasard. Il y tenait comme à sa vie. Et voyez-vous le bonhomme, combien il est passionné. Cette femme-là, c'est lui chatouiller l'âme. À 4h du soir, quand Goriot rentra, il vit à la lueur de deux lampes fumeuses Victorine dont les yeux étaient rouges. Madame Vauquer écoutait le récit de la visite infructueuse faite à Monsieur Taillefer pendant la matinée. Ennuyée de recevoir sa fille et cette vieille femme, Taillefer les avait laissés parvenir jusqu'à lui pour s'expliquer avec elle. Moi ? Au train ! Vous aimez donc bien vos héritiers ? Allons, Sylvie ! Pas de raison ! À son âge ! Madame Couture et sa pupille, sur l'épaule de laquelle dormait Eugène, restèrent seules dans la salle à manger. Les ronflements durs qui ont fait fondre en larmes cette pauvre petite qui s'est jetée alors aux pieds de son père. Savez-vous ce que faisait cette horreur d'homme ? Il se coupait les ongles. Et il lui a dit « C'est bon ». Il a voulu relever sa fille qui lui prenait les mains pour les lui baiser, mais il les a retirées. Oh. N'est-ce pas une scélératesse ? Et puis son grand dadais de fils est entré sans saluer sa sœur. C'est donc des monstres. Et puis le père et le fils s'en sont allés en me priant de les excuser. Ils avaient des affaires pressantes. Oh. Voilà notre visite. Oh. Au moins, il a vu sa fille. Je ne sais pas comment il peut la renier. Elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Les pensionnaires, internes et externes, arrivèrent les uns après les autres, en se disant de ces riens qui constituent, chez certaines classes parisiennes, un esprit drôlatique dans lequel la bêtise entre comme élément principal et dont le mérite consiste particulièrement dans le geste ou la prononciation. Cette espèce d'argot varie continuellement. La plaisanterie en est le principe. Un événement politique, une chanson des rues, les farces d'un acteur, tout sert à entretenir ce jeu d'esprit qui consiste surtout à prendre les idées et les mots comme des volants et à se les renvoyer sur des raquettes. La récente invention du diorama, qui portait l'illusion de l'optique à un plus haut degré que dans les panoramas, avait amené dans quelques ateliers de peinture la plaisanterie de parler en rama qu'un jeune peintre habitué de la pension Vauquer y avait inoculé. Eh bien, monsieur Poiret, comment va cette petite santé rama? Il fait un fameux froid au rama. Dérangez-vous donc, père Goriot, que diable, votre pied prend toute la gueule du poil. Ah, voici son excellence le marquis de Rastignac, docteur en droit travers. Voici une fameuse soupe au rama. Dit Poiret, en voyant Christophe qui entrait en tenant respectueusement le potage. Pardonnez-moi, monsieur, c'est une soupe au chou. Ah, marqué deux points, madame Vauquer. Quelqu'un a-t-il fait attention au brouillard de ce matin? Ouh, c'était un brouillard frénétique et sans exemple. Un brouillard lugubre, mélancolique, vert, poussif. Un brouillard Goriot. Goriorama? Parce qu'on y voyait goutte. Eh, Lord Goriot, il est très question de vous. Assis au bout de la table, le père Goriot leva la tête en flairant un morceau de pain qu'il avait sous sa serviette, par une vieille habitude commerciale qui reparaissait quelquefois. Eh bien, est-ce que vous ne trouvez pas le pain bon? Mais au contraire, madame. Il est fait avec la farine des tempes. Première qualité. À quoi voyez-vous cela? Mais à la blancheur, au goût. Au goût du nez, puisque vous le sentez. Vous devenez si économe que vous finirez par trouver le moyen de vous nourrir en humant l'air de la cuisine. Vous prenez alors un brevet d'invention? Vous ferez une belle fortune. Laissez donc, il fait ça pour nous persuader qu'il a été vermicellier. Monsieur, vous êtes un mauvais plaisant. Et si vous vous permettez encore... Ouais, bien. Quoi, papa? Eh bien, vous paierez cela bien cher quelques jours. En enfer, pas vrai? Dans ce petit coin noir où l'on met les enfants méchants. Eh bien, mademoiselle Victorine, vous ne mangez pas. Le papa s'est donc montré récalcitrant. Une horreur. Il faut le mettre à la raison. Le vieillard oubliait de manger pour contempler la pauvre jeune fille dans les traits de laquelle éclatait une douleur vraie, la douleur de l'enfant méconnu qui aime son père. Mais mon cher Bianchon, nous nous sommes trompés sur le père Goriot. Sa vie me paraît trop mystérieuse pour ne pas valoir la peine d'être étudiée. Oui, tu as beau rire. Je ne plaisante pas. Cet homme est un fait médical, d'accord? S'il veut, je le dissèque. Non, tâte-lui la tête. Ah oui, bien. Sa bêtise est peut-être contagieuse. Le père Goriot, d'Honoré de Balzac. Adaptation, Cédric Ossire. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Deuxième épisode. Avec Michel Vuillermoz, Lionel Lingelser, Christine Murillo, Jean-Claude Frissung, Clément Bresson, Pauline Chevillé, Arnaud Churin, Françoise Gazio, Anouche Paré, Marina Cap, Jean-Luc Porraz, Laurence Roy, Léo Dussolier, Henri Alexandre, Ismaël Ruggiero, Christophe Desposti et Stéphane Sestac. Bruitage, Elodie Fiat. Musique originale, Manuel Peskin. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur, Victoria Asper. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Ossire.